marcher seul. Le calme des nuits glacées, un homme trouve sa vérité. Face à l'ombre, il sait que la solitude est une force à cultiver. Dans la solitude, il trouve sa force. Chaque instant présent, une ressource. Il marche seul, mais jamais perdu. Dans la vie, il trouve sa vertu. Les ombres dansent autour de lui. Des voix cruelles tentent de l'atteindre. Mais il avance sans chanceler. Sa force intérieure, il doit trouver. Dans la solitude, il trouve sa force. Chaque instant présent, une ressource. Il doit marcher seul, mais jamais perdu. Dans la vie, il trouve sa vertu. Les tempêtes hurlent dans la nuit. La peur tente de le submerger. Mais il tient bon, il survit. Dans la solitude, il apprend à lutter. Dans la solitude, il trouve sa force. Et chaque instant présent, une ressource. Il marche seul, mais jamais perdu. Dans la vie, il trouve sa vertu. Les arbres lui parlent doucement. Leurs feuilles murmurent des secrets. Il avance serein et constant. Dans la nature, il trouve la paix. Dans la solitude, il trouve sa force. Chaque instant présent, une ressource. Il marche seul, mais jamais perdu. De la vie, il trouve sa vertu. Les souvenirs hantent ses pensées, des fantômes du passé, des regrets, mais il sait qu'il doit avancer. Dans la solitude, il se libère. Dans la solitude, il trouve sa force. Et chaque instant présent, une ressource. Il marche seul, mais jamais perdu. Dans la vie, il trouve sa vertu. Les ombres le freinent plus, il les transforme en lumière. Chaque pas le rend plus résolu. Dans la solitude, il devient légendaire. Dans la solitude, il trouve sa force. Chaque instant présent, une ressource. Il marche seul, mais jamais perdu. Dans la vie, il trouve sa vertu. L'écho des âmes solitaires, un symbole de force et de liberté. Avec Dieu, une flamme sincère, dans la solitude, il a trouvé sa vérité. Dans la solitude, il trouve sa force. Chaque instant présent, une ressource. Il marche seul, mais jamais perdu. Dans la vie, il trouve sa vertu.